أنا. En compagnie d'une douzaine de pénitents, Anna et Maria attendent leur tour devant l'église du monastère Sainte-Marie de la Source. Sous la guimpe, les visages des religieuses ressemblent à des chardons desséchés, friables et sans couleur. Tout ont l'air de centenaires. L'une d'elles recueille dans une sébile l'argent apporté par Anna, qu'une deuxième escamote sous les plis de son habit. Une troisième leur indique un escalier qui s'enfonce sous le chœur. Sur leur passage, plusieurs châsses éclairées par des bougies renferment des reliques de saints. Parvenues tout en bas, elles se glissent le long d'un autel rudimentaire couvert d'une épaisse croûte de cire, puis pénètrent à tâtons dans une grotte. Une source gargouille, les semelles des deux sœurs dérapent sur la pierre humide. Une abbesse plonge dans un bassin une coupelle en plomb, l'en retire pour y verser une dose généreuse de mercure et mélange le tout. Anna tient la coupelle pour que Maria puisse boire. Ça a un goût de quoi ? De froid. L'écho des prières roule dans cet espace humide. T'as tout bu ? Oui, ma sœur. Lorsqu'elle remonte à la surface, le monde n'est que souffle et couleur. Le vent brasse les feuilles mortes qui crépitent devant l'église, les soubassements en calcaire des murailles flambent sous la lumière rasante. Est-ce que tu vois les nuages ? Maria lève les yeux vers le ciel. Ouais, je crois. Il me semble que le monde est plus clair. Et les bannières qui claquent au-dessus de la porte, tu les vois aussi ? Ouais, je les vois. Anna lance au vent des prières de gratitude. Enfin, se dit-elle, j'ai accompli quelque chose de bon. Pendant les deux jours qui suivent l'absorption de la potion sacrée, Maria paraît sereine et concentrée. Elle enfile toute seule son fil dans l'aiguille et brode du matin au soir. Mais le troisième jour, les maux de tête sont de retour et les dents de lutin invisibles recommencent à tourmenter sa vue. L'après-midi, elle a le front luisant de sueur et il lui faut de l'aide pour se lever de son banc. « J'ai dû en renverser une partie en buvant », chuchote-t-elle à Anna qui lui fait descendre les marches. « Peut-être que je n'en ai pas pris assez. » Le soir, à la table du repas, les femmes sont inquiètes. « J'ai appris, » dit Eudokia, « que le sultan avait fait venir un millier de maçons supplémentaires pour terminer sa forteresse en amont de la ville. Et moi, » fait Irène, « j'ai entendu dire qu'on leur tranchait la tête s'ils ne travaillaient pas assez vite. »« On connaît ça, » réplique Elena. Mais personne n'a envie de rire. Vous savez comment on appelle la forteresse dans la langue des infidèles ? Crisée jette un regard derrière son dos, les yeux brillants d'effroi et de jubilation mêlés. Le coupe-gorge. La veuve Théodora déclare que ses propos ne feront aucun bien à l'ouvrage des brodeuses, que les fortifications de la ville sont inébranlables, que ses portes ont déjà repoussé des barbares à dos d'éléphant, des Perses équipés de catapultes venues de Chine, et les troupes de Kroum le barbare qui buvaient son vin dans des crânes humains. 500 ans plus tôt, poursuit-elle, une flotte barbare si immense qu'elle s'étirait jusqu'à l'horizon avait assiégé la ville 5 années durant. Et ses habitants avaient dû manger le cuir de leurs chaussures jusqu'à ce que l'empereur fasse sortir la robe de la Vierge de la Sainte-Chapelle des Blachernes et la promène le long des murailles avant de la plonger dans la mer. Alors la Mère de Dieu souleva une tempête qui disloqua les navires contre les rochers, condamnant les impies à la noyade jusqu'au dernier. Et les remparts étaient toujours debout. « La foi, dit Théodora, sera notre armure, et la piété notre épée. » Toutes les femmes se taisent. Celles qui ont une famille partent retrouver leur foyer, les autres regagnent leurs cellules, et Anna va remplir les cruches au puits. L'âne de Calapatès grignote une maigre litière de foin. Des colombes volettent sous les avant-toits, le froid s'installe avec la nuit. Maria a peut-être raison. Il est possible qu'elle n'ait pas bu assez de la potion sacrée. Anna repense à l'intérêt qu'ont manifesté ces Italiens aux mains tachées d'encre, avec leur pourpoint en soie et leur manteau de velours. Y a-t-il d'autres manuscrits comme celui-ci ? Comment étaient-ils disposés ? Alignés ou plutôt empilés ? Comme si sa volonté l'avait convoqué, un ruban de brume glisse doucement sur le toit. De nouveau, elle s'éclipse à l'insu du gardien et prend les ruelles tortueuses qui descendent vers le port. Imerius est bien là, assoupi près de sa barque, et il fronce les sourcils lorsqu'elle le réveille, comme s'il tâchait d'ajuster sa vision dédoublée. Il se frotte le visage, hoche la tête et s'en va uriner longuement sur les rochers avant de mettre son bateau à l'eau. Anna range la corde et le sac à la poupe. Quatre mouettes les survolent avec de légers cris. Imerius les regarde passer, puis met le cap sur le prieuré du promontoire. Cette fois, Anna se sent plus résolue. À mesure qu'elle escalade le mur, la peur s'atténue. Bientôt, il n'y a plus de place que pour les mouvements de son corps et le souvenir de l'emplacement des prises, pour ses doigts qui la maintiennent contre la brique froide et ses jambes qui lui donnent de l'élan. Parvenue devant la gargouille, elle s'introduit dans la gueule du lion et se laisse tomber dans le vaste réfectoire. « Esprit, laissez-moi passer. » Ce soir, la lune aux trois quarts pleine diffuse une lumière plus vive à travers le brouillard. Anna retrouve l'escalier, emprunte le long corridor et pénètre enfin dans la chambre ronde. Ici, c'est le séjour des fantômes. De la poussière partout, de petites fougères poussant ici et là dans le fatras de papiers humides, la moisissure réduisant tout en charpie. Certains rayonnages contiennent des registres monastiques si encombrants qu'elle a du mal à les déplacer. Ailleurs, elle découvre des volumes que l'humidité et les moisissures ont agrégés en un seul bloc. Anna bourre le sac jusqu'à la gueule, le traîne dans l'escalier puis le fait descendre dans la barque, et dès leur retour, elle se dirige vers la maison des Italiens, un pas derrière Imerius qui transporte le sac dans les ruelles voilées de brume. Le domestique Piebo les invite à entrer, bâillant à se décrocher la mâchoire. Dans un coin de l'atelier, deux des scribes, les plus petits, sont affalés dans leur fauteuil, profondément endormis. Mais le plus grand se frotte les mains comme s'il les avait attendus toute la nuit. « Approchez, que je vois ce que m'apportent mes petits garnements. » Il renverse le sac sur la table, entre les bougies allumées. Imerius se réchauffe les mains devant le feu pendant qu'Anna regarde l'étranger consulter les manuscrits. Chartes, testaments, transcriptions de discours, ordres de réquisition et ce qui ressemble à une liste de personnalités officielles qui, à une époque lointaine, ont été invitées au monastère. Le grand domestique, son excellence le vice-trésorier, l'érudit en visite de Thessalonique, le grand chancelier de la chambre impériale. Tandis qu'il feuillette un par un les codices endommagés, inclinant son candélabre au fil de sa lecture, Anna remarque des détails qui lui avaient échappé la première fois. Sa culotte a un accroc au genou, les coudes de son manteau sont ternis par l'usure et les deux manches éclaboussées d'encre. « Pas celui-ci, ni celui-là », marmonne-t-il dans sa propre langue. Dans la pièce se mêlent des odeurs de parchemin et d'encre métallogallique, de feu de bois et de vin rouge. Un miroir placé dans un angle reflète les flammes des bougies. Quelqu'un a piqué une collection de papillons sur une planche tendue de lin. Un autre, installé à la dernière table, est en train de copier une carte des routes maritimes. L'atelier déborde de curiosité et d'ardeur. « Ils sont sans valeur », conclut l'Italien d'un ton cordial en empilant quatre pièces d'argent sur la table. Il dévisage Anna. « Petite, tu as déjà entendu l'histoire de Noé et de ses fils. Comment ils ont embarqué dans leur navire tout ce qui existait au monde pour fonder quelque chose de neuf. Pendant un millier d'années, ta ville, cette capitale en déclin, a été semblable à cette arche. Mais à la place des êtres vivants, sais-tu ce que le Seigneur y a entreposé ? Derrière les volets fermés, on entend chanter les premiers coqs. Anna sent qu'Imerius s'agite près du foyer, son attention rivée aux pièces d'argent. Des livres. Le scribe esquisse un sourire. Et dans notre histoire sur Noé et l'arche au livre, sais-tu qui joue le rôle du déluge ? Anna secoue la tête. Le temps. Jour après jour, année après année, il fait disparaître les vieux livres. Tu sais ce manuscrit que tu nous as apporté ? C'est un texte d'Élien, un érudit qui a vécu sous l'Empire romain. Pour parvenir jusqu'à nous dans cette pièce, à ce moment précis, il a fallu qu'il traverse 12 siècles. Un scribe a dû en faire une copie, puis un deuxième a reproduit cette copie des dizaines d'années plus tard, transformant le rouleau en codex. Et ensuite, alors que les os du deuxième scribe reposaient depuis bien longtemps sous la terre, un troisième s'est chargé de le recopier encore. Et pendant tout ce temps, cet ouvrage était en danger. Un abbé irascible, un moine maladroit, une bougie renversée, une invasion barbare, des vers affamés, cela suffit à détruire le travail accompli au cours des siècles. Les flammes des bougies papillotent. Toute la lumière de la pièce semble se concentrer dans les prunelles de l'Italien. Tu vois, petite, les choses qui paraissent les plus solides en ce monde, les montagnes, la fortune, les empires, leur stabilité n'est qu'illusoire. Nous les croyons destinés à durer, mais cela vient seulement de la brièveté de notre propre existence. Pour le regard de Dieu, les villes comme celle-ci se bâtissent et se défont aussi vite que des fourmilières. Le jeune sultan est en train de constituer une armée, et il possède de nouveaux engins de guerre capables de démolir les murs comme s'ils avaient la consistance de l'air. L'estomac d'Anna fait un bond. Imerius s'approche discrètement des pièces d'argent. L'arche s'est brisée sur les écueils, petite, et elle prend l'eau de toutes parts. Désormais, la vie d'Anna est scindée en deux parties. D'un côté, les heures monotones passées à l'atelier de Kalapatès, où la peur le dispute à la fatigue, le balai et la pelle, l'aiguille et le fil, aller chercher de l'eau, du charbon, du vin, un rouleau d'étoffe. On a l'impression que, chaque jour, une nouvelle histoire à propos du sultan se ferait un chemin jusqu'à l'atelier de broderie. Il s'est entraîné à se dispenser de sommeil, il a envoyé aux portes de la ville des équipes d'arpenteurs, les soldats du coupe-gorge ont lancé un boulet qui a pulvérisé une galère vénitienne alors qu'elle acheminait vers la ville des armes et des vivres depuis la mer Noire. Pour la deuxième fois, Anna conduit Maria au sanctuaire de la Vierge de la Source, où elle cède 11 stavrata en échange de la bénédiction des religieuses voûtées et flétries. Maria avale la mixture d'eau et de mercure et se sent mieux pendant une journée, puis son état empire. Ses mains tressaillent. Elle est prise de crampes et, certaines nuits, il lui semble qu'un démon a refermé ses griffes sur ses membres et tente de la déchiqueter. Et puis, il y a l'autre vie d'Anna. Quand elle sort dans la ville ensevelie sous le brouillard, pressant le pas dans les rues emplies d'échos et qu'Imerius l'emmène au-delà du brise-lames pour qu'elle escalade le mur du prieuré. Si on lui posait la question, elle répondrait qu'elle le fait uniquement pour gagner de l'argent, afin de soulager les souffrances de sa sœur. Mais une part d'elle-même ne désire-t-elle pas grimper là-haut, tout simplement, et rapporter un nouveau sac de livres abîmés aux copistes dans leur atelier saturé d'encre? Par deux fois, les manuscrits qu'elle leur remet ne contiennent que des inventaires couverts de moisissures. Cependant, les Italiens insistent pour qu'ils leur livrent tout ce qu'ils auront pu trouver, car il se peut qu'ils dénichent bientôt un trésor comparable aux manuscrits des liens, ou même quelque chose de mieux. Une tragédie athénienne disparue, par exemple, ou bien les discours d'un homme d'État grec, voire un séismobrontologion qui révèle les secrets du temps et des vents. Anna apprend que les Italiens ne sont pas de Venise, qu'ils décrivent comme un repère de mercenaires et de rapaces, pas plus que de Rome, ce nid de parasites et de catins. Eux, ils viennent d'Urbino, où les greniers sont toujours bien garnis, où l'huile déborde des pressoirs et où les rues ont l'éclat de la vertu. Ils affirment qu'entre les murs d'Urbino, même l'enfant le plus misérable étudie le calcul et la littérature, qu'il soit garçon ou fille, et que la ville ignore les ravages de la malaria qui touche Rome, ainsi que la saison des brouillards glacés qui sévit dans la cité. Le plus petit des scribes leur présente une collection de 8 boîtes à opium au couvercle orné de miniatures. Une église au dôme imposant, une fontaine sur une place, la justice avec sa balance, le courage tenant une colonne de marbre, la tempérance coupant le vin avec de l'eau. Notre maître, le vertueux comte et seigneur d'Urbino, ne perd jamais, pas plus à la guerre que dans les autres domaines. Le scribe de taille moyenne ajoute alors « Il se montre magnanime en toutes circonstances et accepte de recevoir quiconque souhaite lui parler à n'importe quelle heure du jour. » Quand sa magnificence prend son dîner, poursuit le plus grand, il demande à ce qu'on lui lise les textes antiques, même lorsqu'il est en campagne. Et le plus petit d'enchaîner, il rêve de créer une bibliothèque qui surpasserait celle du pape, une bibliothèque qui contiendrait tous les textes jamais écrits et durerait jusqu'à la fin des temps, et toute personne capable de les lire en disposerait gracieusement. Leurs prunelles luisent comme des braises, leurs lèvres sont tachées de vin. Ils exhibent sous les yeux d'Anna les merveilles qu'ils ont déjà réunies pour le compte de leur maître au fil de leur voyage. Un centaure en terre cuite qui date du temps d'Isaac, un encrier qui aurait appartenu à Marc Aurèle et un livre originaire de Chine qui, à les entendre, ne serait pas l'œuvre d'un scribe muni d'encre et de plumes, mais d'un menuisier équipé d'un jeu de caractères mobiles en bambou. Grâce à ce dispositif, on peut produire 10 copies dans le temps que met un scribe pour en achever une seule. Anna est médusée. Depuis sa naissance, on tâche de la persuader qu'elle a vu le jour dans un monde qui s'achève. Fin d'un empire et d'une époque, fin du règne de l'homme sur la terre. Mais l'enthousiasme qui irradie de ce scribe lui laisse penser que, dans une ville telle qu'Urbino, bien loin d'ici, d'autres possibilités existent peut-être, et elle rêve tout éveillée, survolant la mer Égée au-dessus des navires, des îles et des tempêtes, le vent s'engouffrant entre ses doigts écartés, pour se poser enfin dans un palais pur et radieux où règne justice et tempérance, et dont les salles sont garnies de livres que chacun peut consulter librement. Un éclat comme du soleil ou de la lune rayonnait sous les hauts plafonds d'Alkinos. L'arche s'est brisée sur les écueils, petite. Tu te bourres le crâne de choses inutiles. Une nuit, les copistes secouent la tête après avoir inspecté une nouvelle livraison de manuscrits gondolés et moisis. « Ce que nous cherchons ne ressemble à rien de cela », dit le plus petit en déformant les mots grecs. Des restes de poissons et des raisins secs sont éparpillés au milieu des taille-plumes et des feuillets de parchemin. « Notre maître convoite tout particulièrement les recueils de merveilles. » « Nous pensons que les voyageurs de l'Antiquité se sont rendus dans des contrées lointaines, aux quatre coins du monde. » « Des pays qu'ils connaissaient mais dont nous ignorons tout. » Anna, dos à la cheminée, se souvient de Licinius traçant dans la poussière le mot « Okeanos ». Ici, ce qui est connu. Et là, l'inconnu. Du coin de l'œil, elle surprend Imerius en train de chiper des raisins secs. « Notre maître, dit le plus grand des scribes, croit qu'il existe quelque part, peut-être dans cette vieille ville, un texte assoupi sous une ruine et qui contient la totalité du monde. » Le scribe de taille moyenne opine du chef. Les yeux brillants. Ainsi que les mystères qui se trouvent au-delà. Imerius le regarde, la bouche pleine. Et si jamais on met la main dessus? Notre maître en serait enchanté. Anna cligne des paupières. Un ouvrage contenant la totalité du monde ainsi que les mystères qui se trouvent au-delà? Un livre pareil est sans doute monumental. Jamais elle n'arriverait à le déplacer.